le méga plein air show avec Yves Laroche sur CGIT FM. Quelques nouvelles. Il y aura une soirée bénéfice de films de chasse et pêche, Instinct sauvage et Hooké pour l'association de chasse et pêche Lac Mégantic Incorporé. Cette soirée aura lieu vendredi le 14 août 2015 à partir de 7h le soir à l'auditorium de la polyvalente Montignac de Lac Mégantic. Les billets sont disponibles en pré-vente au coût de 20$ au Pro Nature de Lac Mégantic, à la Cordonnerie Palma, chez Location SB ou via chacun des directeurs de l'association de chasse et pêche Lac Mégantic. À noter qu'à la porte, les billets seront à 25$. On peut s'informer aussi au 819-583-2811. À noter que les profits de cette activité iront tous à l'association de chasse et pêche Lac Mégantic Incorporé. Le ministère Forêt-Faune-Parc rappelle que les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1-800-463-2191, 1-800-463-2191 ou par Internet au mffp.gouv.qc.ca/SOS Braconnage ou au Bureau de la protection de la faune le plus près de chez vous. L'information demeure en tout temps confidentielle. On vous rappelle qu'il reste quelques places à l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre pour la saison 2015. Alors, on n'a qu'à consulter le www.academiedepêche.com pour avoir plus d'informations. Et je remercie encore une fois toute l'équipe d'Alec Delage de m'avoir accueilli cette semaine à son Académie de pêche. Pour ceux qui s'intéressent à la récolte des dindons 2015, eh bien, au Québec, il s'est récolté 4319 dindons, comparativement à 4421 en 2014. Donc, c'est moins 102 dindons par rapport à l'année passée. Et puis, si on regarde les statistiques de notre zone, la zone 4, eh bien, cette année, en 2015, c'est 569 dindons qui ont été récoltés cette année par rapport à 548 en 2014, donc une récolte de plus 21 dindons. On ne peut pas vous donner le pourcentage de succès car on ne sait pas combien de permis ont été vendus car le ministère ne l'a pas encore publié. Et les données proviennent du site du MFFP et on nous dit que ce sont des données préliminaires puisque ça date du 25 juin dernier. On a une nouvelle de dernière minute et puis c'est un peu une nouvelle qui est triste. Notre ami Éric Bélanger, qui était le représentant commercial de la compagnie québécoise de l'heure éthique et aussi collaborateur régulier au Méga Plein Air Show, a été remercié récemment de ses services chez Éthique pour des motifs quelque peu douteux. Éric nous a avisé qu'il pourrait éventuellement revenir au Méga Plein Air Show pour des conseils de pêche, mais qu'auparavant, il doit prendre une pause bien méritée. Nous sommes désolés d'apprendre cette nouvelle et souhaitons la meilleure des chances à notre ami Éric dans sa recherche d'un nouvel emploi, en espérant qu'il demeure dans le domaine de la pêche au Québec. Ceci complète vos nouvelles cette semaine à votre Méga Plein Air Show.